look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be siffler, hein. Bah ouais, Bob, en fait c'est facile d'être DJ. Bah ouais. Satine, au pied. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Bah ouais, ça me fait plaisir tous les matins. Puis on a un invité du jour avec vos téléphones. C'est Joe, si je me trompe pas. C'est parti pour Joe. Allez, Germaine. Arc-en-ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est l'invité qui est avec nous au téléphone pour le moment, c'est Joe. Bonjour, Joe. Bonjour. Alors hier tu m'as contacté parce qu'il y a un événement qui se passe à Orléans aujourd'hui, ça va se passer Place de la République, tu peux nous préciser un petit peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à Orléans? Oui, en effet, aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de la 229e anniversaire de la Première République. Mmh. Et on sera Place de la République donc à Orléans à partir de 18h30 pour célébrer cet événement. D'accord. Vous serez combien à peu près? Tu sais combien de personnes vous attendez? On attend une vingtaine, trentaine de personnes, peut-être plus. Ouais, plus. On espère que vous viendrez nombreux pour fêter cet anniversaire. Mmh. Puisque donc il y a 229 ans, les fondateurs de la République ont aboli la royauté. Ouais. Et donc l'an 1 de la République a débuté le 22 septembre 1792. Et donc on veut rappeler à ceux et à toutes celles qui ne veulent pas oublier sa naissance et les articles fondateurs qui ont été proclamés par la première constitution de la République. Et ben voilà, bon plan aujourd'hui. C'est à quelle heure, Joe? À quelle heure? 18h30. Et ben après, place de la République. C'est après le boulot en plus, comme ça on peut y aller. Exactement. Vous avez bien choisi l'heure. Exactement. Donc voilà, donc on sera le plus nombreux possible pour fêter cet événement en attendant, on l'espère, l'avènement de la 6ème République. Ouais. Pour que des droits nouveaux soient proclamés, comme le droit à disposer de soi, l'émancipation, le droit à mourir dans la dignité. Et d'autres droits fondamentaux comme le droit de révoquer les élus, l'intervention populaire dans les affaires publiques. Mmh. Donc voilà. Bah, je suis sûr que Joël il va venir, elle adore ça, Joël, mon pote Joël. Eh bah, super. Bah, il va venir. Que tous ceux qui ont envie de célébrer cet événement avec nous soient présents et présentes. On sera là. Et ben voilà, aujourd'hui à 18h30, c'est Place de la République à Orléans, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle se trouve où la Place de la République pour dire aux auditeurs que c'est Place de la République, c'est vers où? C'est à côté de la rue Jeanne d'Arc. Ouais. Et c'est pas très loin de la place du Marcroix. Ouais. Il y a la statue de Marianne. Ah ouais, je vois où c'est. Ouais. Okay. C'est entre la rue de Bourgogne et la rue Jeanne d'Arc. Et ben voilà, merci Joe. Un bon rencard aujourd'hui, 18h30. Venez nombreux et nombreuses. Merci à toi. Bah merci. Merci. Belle journée, Joe. Merci. Salut mon Joe, bah voilà, rendez-vous aujourd'hui, place de la République. Et puis du son qui arrive avec demandé la part de Stéphane de Saint-Jean-de-Bray, voici Rosa. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta, verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton tchaoud. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. Je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Une fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr.

moi, ça allait jusqu'à une certaine prise de tête. Ce qui me contrarie, c'est d'avoir trouvé la femme parfaite. Pas d'amis, pas de sorties, pas de filolie, pas d'envie. Et accessoirement, pas de sexosy. Le bonhomme, mais je rajouterai sur la notice qu'il faudrait pouvoir dégonfler après service. C'est un combat. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi sur tous tes bras. C'est trop facile. Excuse-moi. Je n'ai pas fini. Arrêtons, non. On va y passer le reste de la nuit. Je suis lassé, je suis cassé, j'en ai tous cassé, l'air doit décharger. Si ça, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Radio Arc-en-Ciel en direct ce matin depuis le 96.2 FM. On est heureux de vous retrouver. Et puis notre invité qui arrive, c'est Bruno Gendron. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Gendron dans les studios de la radio. Bonjour Bruno, bonsoir. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On aurait dit bonsoir, ça aurait été bien aussi. Hein. Ça aurait été bien aussi. Alors, mieux connaître la population déficiente visuelle, c'est vrai que pour le moment très méconnue sur la planète, on va dire en général. Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout de nous avoir invités. Ouais, toi-même malvoyant, on dit. Dit aveugle. En fait, j'ai un tout petit reste visuel. On parle d'une perception lumineuse. Tu vois un petit peu, non? Je vois un tout petit peu l'écran qui est devant moi, mais rien de ce qu'il y a sur l'écran. D'accord. Et de l'autre côté de la vitre, je ne te vois pas. Tu me vois pas. Bon, voilà. Moi, je te vois. En tous les cas, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et puis, je suis là pour t'aider, bien sûr. Hein, y a absolument. Pas de problème. On va parler justement de ça, alors que l'on estime à 1,7 million de nombre de personnes atteintes d'un trouble de la vision. Toutes les 15 heures, un aveugle naît. C'est énorme. C'est énorme. Encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies de la vue qui arrivent à la naissance et qui font que l'enfant restera soit très malvoyant, soit complètement aveugle. D'accord. Même nous, personnellement, il faut être honnête, hein, quand on prend de l'âge, la vision diminue. Moi, personnellement, j'ai des lunettes depuis 7 ans. Et bah, tous les 2-3 ans, je vais chez un ophtalmo parce que ma vue, elle descend. En fait, ce qu'on sait, en tout cas, c'est les tendances de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que il y a de moins en moins effectivement d'enfants qui naissent malvoyants ou aveugles. Mais par contre, à l'autre bout de la vie, la cécité, la malvoyance augmente, comme tu le dis, du fait du vieillissement de la population. C'est ça. Alors, tu fais partie d'une association, toi ? En fait, je fais partie de la Fédération des aveugles et amblyopes de France Val de Loire, donc qui est localisée sur Orléans, mais qui est une association régionale. Et puis aussi, je suis le premier vice-président de la Fédération des aveugles de France. Et ben, je suis fier d'accueillir le vice-président ce matin. Merci beaucoup. On va parler de ce projet qui arrive à 17h aujourd'hui. Omer, l'étude nationale sur la déficience visuelle, arrive en centre Val-de-Loire. On peut en savoir un petit peu plus, Bruno? En fait, le constat qu'on a fait entre associations, ça c'est un peu une nouveauté, c'est qu'on a travaillé avec un collectif d'associations de déficients visuels. Le constat qu'on fait, c'est que, comme tu le disais en introduction, on ne connaît pas là aujourd'hui la population déficiente visuelle. On ne sait pas s'il y a beaucoup de gens, d'enfants à l'école du quartier ou encore dans des écoles spécialisées, s'il y a beaucoup de gens en emploi, quel emploi ils font, etc., etc. Et on s'est regroupé pour justement interroger la population déficiente visuelle via une enquête, pour justement avoir des informations sur tout un tas d'informations aujourd'hui dont on ne dispose pas. Et justement, ces résultats de l'étude pourront contribuer à changer la vie de nombreuses personnes en déficience visuelle, et même de leurs familles, surtout pour les familles, c'est important. C'est important, ça va permettre non seulement effectivement de changer la vie, puisqu'on va mieux connaître les besoins des personnes, savoir si elles ont besoin de plus de services médico-sociaux, de plus d'accompagnement, par exemple, pour repérer leur trajet, si elles ont besoin de plus de formation autour du numérique, qui est quand même quelque chose d'important aujourd'hui, si au quotidien elles se débrouillent suffisamment bien, etc. Donc on aura ce genre d'informations, puis on aura aussi pour les décideurs publics des informations plus réelles, parce que aujourd'hui les décideurs publics la première question qu'ils nous posent, c'est quels sont les besoins des personnes. Alors nous, on les connaît parce qu'on est nous-mêmes déficients visuels, mais on n'est pas capable de le mesurer. Et ça, c'est important de pouvoir le mesurer. Et justement, cette enquête, elle va permettre d'aider. Exactement. D'après toi, pourquoi on va en parler sur la France là, notamment, pourquoi c'est méconnu, tout ça est méconnu aujourd'hui. On n'en parle pas assez, les médias n'en parlent pas, les journaux peut-être, je sais pas, il n'y a pas assez de réunions. Il y a un certain nombre de facteurs. D'abord, dans le cadre du recensement de la population, il n'y a pas de question aujourd'hui sur le handicap, celui-ci étant considéré comme relevant du secret médical, et donc on n'a pas vraiment de chiffres qui sont liés au recensement. Après, en effet, on est un handicap minoritaire sur le plan statistique. Ça n'empêche pas que c'est un handicap grave, mais ça reste un handicap minoritaire sur le plan statistique, puisqu'on dit que on est à peu près 3,5% de la population et 1 pour 1000 de personnes aveugles. Donc 3,5, c'est aveugles et malvoyants, et puis 1 pour 1000, c'est complètement aveugle. Donc c'est vrai que statistiquement, on pèse entre guillemets, et c'est malheureusement comme ça que ça se passe, on pèse beaucoup moins que d'autres populations. Et du coup, on parle beaucoup moins de nous. Et d'ailleurs, bien sûr, on pourrait le dire de la même façon du handicap auditif. Eh ouais, exactement. Ouais. Alors, actuellement, près de 1000 déficients visuels ont déjà répondu à l'étude. C'est ça. C'est un bon début pour toi. C'est un bon début. Après, faut dire aussi qu'aujourd'hui, on lance en Centre-Val de Loire. Les gens pouvaient répondre. Moi, j'ai déjà répondu à l'étude. On pouvait répondre même si le lancement n'était pas fait, mais l'étude va s'étendre sur toute la France et même dans les départements ultramarins. Donc on espère vraiment beaucoup plus de réponses, et on incite vraiment les auditeurs de cette radio, et notamment les auditeurs déficients visuels, à répondre à la question. Au questionnaire plutôt, pas à la question, il n'y en a pas qu'une, mais à répondre au questionnaire pour pouvoir enrichir l'étude. Ce qu'on échangeait tout à l'heure, c'est important de le rappeler, c'est que plus on est nombreux à répondre, et plus l'étude aura du sens aussi. Est-ce que pour toi, on va parler du Centre-Val de Loire, parce qu'on est au Centre-Val de Loire, tout est mis à disposition, on va dire, sur la ville. On va parler d'Orléans, parce qu'on est sur Orléans. Est-ce que tout est bien à disposition pour vous, justement, malvoyants, l'accessibilité est facile ou pas? Il faut être honnête maintenant. Ouais. Moi, je crois que l'accessibilité, notamment sur Orléans, il y a un certain nombre de progrès à faire. Et il y en a certains qui ont été faits. À quel niveau, Bruno? Notamment, par exemple, sur l'entretien, je dirais pas la pause, mais l'entretien des feux tricolores avec sonorisation. Un certain nombre de feux ne fonctionnent pas bien. Ça, je peux remonter l'info à monsieur Serge Goire, hein, il n'y a pas de problème. Complètement. Il y a tout un tas de bandes de guidage qui ne sont pas bien posées ou pas posées du tout. Ça, c'est un autre problème. On a la question aussi, alors on essaye de le négocier pas à pas, mais avec un certain nombre de commerçants qui, et on les comprend vu la situation de crise mais empiètent en fait sur les trottoirs et compliquent en fait le cheminement des personnes. Ah, tu dis des barrages de droits, ouais, ça existe, hein, ça c'est vrai, hein, les terrasses, etc. notamment. Ouais. Voilà, alors il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres, oui, mais il s'agit simplement de se dire qu'on est dans le vivre ensemble, et que lorsqu'on pose un acte, lorsqu'on pose par exemple un panneau publicitaire, plutôt que de le placer au beau milieu du trottoir, on peut le placer le long de son magasin et il sera tout autant visible. Ouais. Moi, j'aurais une opération à proposer, et je suppose que ça s'est déjà fait. C'est que pendant, je dirais, une après-midi, pendant 2 heures, on sélectionne 20-30 personnes, on leur bande les yeux et on les laisse marcher à Orléans comme ça, avec pour se repérer, voir si c'est difficile ou pas, se mettre à votre place déjà. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que t'en penses? Attention, c'est pas méchant ce que je dis. Pas du tout. C'est justement pour montrer et prouver que vous êtes des fois en difficulté. Alors, c'est non seulement pas méchant, mais c'est des choses qu'on a déjà faites, y compris sur Orléans. En d'autres temps, on a mis un certain nombre d'élus, notamment sous bandeau. Et c'est vrai que c'est assez édifiant. C'est-à-dire que mettre des gens sous bandeau, pour les Orléanais qui connaissent bien, sur la place de Gaulle, avec deux lignes de tram qui se croisent, avec aucun contraste de couleur, avec des bandes de vigilance passent notamment sur les quais de tram qui sont de la même couleur. Alors je parle pour les malvoyants, les aveugles ça change rien, mais pour les malvoyants ça change énormément. C'est toujours important. Et vous savez, nous à la Fédération des aveugles Val-de-Loire, on est sur l'idée de l'accessibilité universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une bande de vigilance le long d'un quai de tram contrasté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les personnes voyantes vont considérer, et on l'a déjà testé notamment dans les gares SNCF, même les personnes voyantes vont se dire, il y a un danger, on s'approche pas trop du quai. Les enfants vont faire la même chose, ils vont se mettre en retrait de la bande. Bien donc sûr. C'est pas que pour les personnes aveugles ou malvoyantes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors vous aussi, vous, je suppose que vous êtes, vous faites partie aussi d'Orléans, de la fête, des sorties. Alors il y a le Festival de Loire qui va arriver dans quelques jours. J'ai eu M. Gabel à la radio, je l'ai reçu. Ils ont mis en place pas mal de choses justement pour l'accessibilité handicapée et notamment aussi pour vous, les non-voyants, en espérant que ça va être respecté. Le Festival de Loire, tu as été il y a deux ans. Mais j'y suis allé d'autant plus que notre association a un stand avec le stand associatif. Il est sur les bords de Loire. J'ai pas exactement l'endroit, mais on va trouver. Mais il y est et on y sera les 4 jours avec d'autres associations. Le concept de la ville de ce point de vue-là est très intéressant parce qu'ils ont fait un stand associatif où on se relaie entre associations et du coup on s'épaule aussi les uns les autres. L'étude nationale sur la déficience visuelle, l'étude Omer, c'est aujourd'hui à 17h. Alors c'est où? On n'a pas dit où c'était. Alors c'est à l'hôtel de région en présence du président de région François Bonneau qui nous fera l'honneur de lancer. Voilà, on le salue et on fera l'honneur vraiment de lancer l'étude. Et ça, c'est important pour nous parce que quelque part, ça vient dire aussi que la déficience visuelle, c'est un handicap important et que y a besoin effectivement d'être, que la démarche soit soutenue. D'accord. Aujourd'hui, concrètement, pour toi, qu'est-ce qui vous manque? Il n'y a pas qu'Orléans, on va parler en national aussi. Qu'est-ce qui manque le plus? Alors, ce qui manque le plus, c'est, on va dire, pour les scolaires, un certain nombre les ouvrages scolaires adaptés et, je dirais, dans le même temps que pour les personnes voyantes, parce que souvent, les gamins, ils attendent leur bouquin et ils les ont 6 mois après, ce qui fait que c'est un peu compliqué de travailler. C'est la question de l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, trop peu de sites, y compris publics, ne sont pas accessibles aux personnes déficientes visuelles. Donc, par exemple, clairement, on parle de dématérialisation des démarches administratives, sauf que les déficients visuels peuvent pas le faire. Ah oui. Donc, c'est quand même un petit peu ennuyeux dans un moment où, en plus, l'accessibilité numérique fait partie des obligations légales. Donc c'est vraiment, et puis évidemment une meilleure accessibilité dans les transports publics. Il y a des services notamment ferroviaires qui sont intéressants, sauf que il faut réserver 48 heures à l'avance. Ça veut dire que contrairement à un citoyen lambda, une personne en situation de handicap, aveugle ou malvoyante en particulier, elle doit prévoir ses voyages. Alors, vous pouvez pas avoir un voyage, je dirais, spontané et dire tiens, là finalement j'ai impérativement besoin de prendre le train dans 2 heures, il faut avoir prévenu 48 heures à l'avance. Ah c'est ça, le gros souci alors on va dire. Un des gros soucis majeurs, la déficience visuelle. Toi tu es aveugle de naissance ou alors c'est venu après? Non, je suis aveugle de naissance. En fait j'ai une maladie, j'ai deux maladies, qui sont la cataracte et le glaucome, qui sont des maladies qui normalement apparaissent plutôt en fin de vie. Les gens ils ont des glaucomes à 60-70 ans. La cataracte, on le sait aujourd'hui et ça va rassurer les auditeurs, c'est une pathologie qui s'opère bien et qui a un réel succès quand on est âgé, mais quand on est enfant, même encore aujourd'hui, opérer la cataracte chez un enfant, ça laisse des séquelles visuelles importantes. Des séquelles visuelles, oui. Le plus dur pour toi, quand on est, malheureusement, si on n'est pas aveugle et qu'on le devient, est-ce que c'est compliqué cette phase? C'est le passage, c'est-à-dire c'est le moment. Parce qu'on voit du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Imagine. J'imagine. Et je suis chez moi déjà, il y a une coupure de courant, on voit rien, on panique. Alors j'imagine si c'était malheureusement à vie. Mais en fait, c'est la difficulté, c'est-à-dire que les personnes essayent de garder leur repère visuel qu'elles n'ont plus. Alors ça peut les aider pour se repérer dans l'espace parce qu'elles ont le souvenir des espaces qu'elles ont vus. Mais autrement, il y a tout un tas de repères à acquérir, de repères nouveaux. C'est-à-dire que effectivement, on a une panne de courant chez soi, ben on n'a pas l'habitude, alors on n'utilise pas par exemple Louis aussi facilement qu'une personne déficiente visuelle. Une personne déficiente visuelle, elle entend pas plus qu'une personne voyante. Simplement, elle s'est mieux entraînée à utiliser son ouïe. Et donc, elle va l'utiliser davantage. D'accord. Elle va utiliser sa mémoire aussi. Par exemple, tu le sais, je me suis fait accompagner. Bien sûr. Mais parce que simplement, si je venais tous les jours, j'aurais pas besoin, parce que je sais qu'il y a un arrêt de bus tout près. Mais c'est du par cœur. C'est pas parce que je vois l'arrêt de bus. D'accord. Que voilà. Et donc, une personne qui perd la vue, il va falloir qu'elle entraîne sa mémoire. Pour se rappeler de ce genre de choses, alors qu'une personne voyante a pas besoin de faire faire cet effort de mémoire. Pour toi, c'est plus facile de t'aider tout seul entre guillemets ou de te faire aider? Est-ce que les deux? Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de faire les choses le plus seul possible. Et puis, quand on a besoin, de savoir demander de l'aide, de savoir la recevoir aussi. Je crois que c'est important quand les gens donnent un coup de main de savoir recevoir cette aide-là. Et puis, vous savez. Moi, je dis toujours que quand on reçoit de l'aide des gens, souvent, moi j'ai notamment dans la rue des gens qu'on connaît pas qui t'aident, qui m'aident, et ben on a des belles rencontres aussi parce qu'on discute avec les gens, ouais. Et on a vraiment des belles rencontres. C'est pas pour dire que c'est très facile d'être déficient visuel, mais je dirais que je me dis des fois, les voyants ils ont pas cette chance-là, c'est-à-dire que comme souvent ils ont pas besoin du coup de main. Encore que, ça se discute. Oui. Eh bien, ils ont pas ces belles rencontres. Moi, j'ai vraiment des belles rencontres que j'ai pu faire parce que j'ai fait un bout de trajet avec des personnes. Oui. Et comme toi, moi je suis le premier à aider parce que c'est vrai que des fois, je vois en ville, ça arrive, une personne déficiente visuelle qui marche et sur un trottoir et puis il y a des obstacles, comme tu disais, une pancarte, des travaux et c'est pas signalé avant ou quoi que c'est ce soit. Ça. Et là, il faut aider ces personnes-là parce que malheureusement, c'est compliqué des fois. Hein, c'est vrai. Alors après, on a la plupart des personnes déficientes visuelles vivent très heureuses aussi et bien vivent, sûr, hein. J'allais dire. Alors, j'aime pas dire le mot normalement parce que ça a pas de sens. Personne n'est normal finalement. Mais au moins, en tout cas, ont des vies riches et puis construites. Enfin, alors avec des peut-être des spécificités, mais je veux dire, les gens, ils ont des vies de couple, ils ont des vies professionnelles, heureusement, d'ailleurs. Ils ont des vies amicales, ouais. Ils sortent, ils vont au cinéma. Citons par exemple sur Orléans le cinéma des Carmes, ouais. Qui a des films en audio description. Citons le centre dramatique national d'Orléans qui propose aussi quelques pièces en audio description. À ce sujet-là, on aimerait d'ailleurs que les autres théâtres d'Orléans, je pense au Cadeau, ouais. Et je pense à la scène nationale, fassent aussi des propositions. Ouais, ça serait bien. On leur lance le message ce matin. L'étude, mais en tout cas, c'est aujourd'hui. On va rappeler l'heure, c'est 17h. C'est 17h à l'hôtel de région. Alors, si les gens veulent y assister, c'est passe sanitaire obligatoire, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis après, il y a le site internet sur lequel on peut trouver l'étude Homer. Je précise que le questionnaire, il peut être rempli par une personne déficiente visuelle bien habituée à l'outil internet. Évidemment, le questionnaire est complètement accessible. Il faut le dire quand même. Oui, bien sûr. Et puis, vous pouvez trouver sur le site internet de la Fédération des aveugles Val-de-Loire. Le numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur là, mais peut-être vous l'avez sur le document de presse. Il y a un numéro de téléphone pour les gens qui sont moins habitués à l'outil internet pour se faire aider pour remplir le questionnaire. Ben, le téléphone c'est le 06 77 17. Non, non, ça c'est le mien. Je vais pas le donner. Non, ça serait mieux de pas donner le mien. Alors attends, excuse-moi, je regarde juste si je retrouve le numéro. Je l'ai pas sous les yeux. C'est un 0635. Voilà, 0635. Attends, je vais juste vérifier, j'ai un 01, 06. Je l'ai pas sous les yeux. Là. Non, mais ceci dit, vous pouvez aller sur le site internet de la Fédération des aveugles Val-de-Loire. On l'a mis en page d'accueil. Mmh. Donc c'est www.aveugle-val-de-loire.org. www.aveugle-val-de-loire.org. Et ben on a passé un bon moment avec toi. Rendez-vous à 17h aujourd'hui. Hein. Bon moment partagé. Eh bien, très bien. Merci Bruno d'avoir accepté notre invitation. Je vais accompagné comme ça, tu pourras pas, parce qu'il y a quand même des escaliers chez nous. Et oui. Nous, on est un petit peu en tort. En défaut, on n'est pas accessible pour les fauteuils roulants, malheureusement. Mais on va déménager. Normalement, on devrait aller au rez-de-chaussée. Eh ben, c'est magnifique. Comme ça, tout le monde pourra venir chez nous. Absolument. Avec grand plaisir. Merci, Bruno, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au revoir. Et puis, rendez-vous à 17h.

9h, votre réveil matin, c'est Francky. Comment tu te llamas, yo no sé. Tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso es pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. De la musique à 8h38 minutes avec Nicky Yam. Et puis demain, ne ratez pas notre grand invité sportif. Et oui, Brice Debord sera dans les studios de la radio. Ah là là, quel sportif! Et en plus, il est dans les, on peut être fier. Demain, 8h30 en direct sur Radio-Arc-en-Ciel, Brice Debord. Allez voir son Facebook, vous allez voir. Impressionnant. Le meilleur des souvenirs avec Yold Mix, Sweet Dream. Belle journée, courage à vous si vous allez bosser ce matin côté ciel. C'est nuageux, quelques rayons de soleil tout à l'heure, mais très timide. Normalement, le soleil revient jeudi et vendredi, donc profitez. We'll be right back. 8h43 sur la radio couleur, ouais, vous êtes dans les embouteillages, c'est ce que me dit Sophia, enfin la galère. Ouais, comme tous les matins d'ailleurs Sophia, hein. T'inquiète pas, hein, c'est tous les jours. Hein. Et du son, Alexia sur Radio Arc-en-Ciel, belle journée, bon réveil. Et puis courage, hein, si vous avez au job, bah, pas facile, hein, mais on est là, avec Rayos del Sol. Come on, turn the radio on, it's bright and high, and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on, it's bright and high, and I won't be long, till I hit the gun stop, hit the gun stop. Radio Arc-en-Ciel, 8h46 minutes. Ouais, comme ça, vous n'êtes pas à la bourre au boulot aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la paix, donc soyez en paix. Faites la paix avec même vos ennemis, tiens, pourquoi pas. C'est juste la journée, hein. Après on verra. Hein. Du son qui arrive 1984 avec les Fat Larry's Band, c'est sur la radio couleur. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Ooh, whoa, whoa. Ooh. You just ought to know. Ooh. Yeah, when you're feeling down and low, and you need a place to go. Ça, en 1984, les Fat Larry's Band, quel dance floor à l'époque, vous vous rappelez? On dansait là-dessus, bah ouais, c'était bon, hein, et puis du son latin, avant de nous quitter et de retrouver RDP International demain, un grand sportif, Brice, sera dans nos studios, il est invité, et je peux vous dire, ça va envoyer du très très lourd. Jacob Forevers sur votre radio couleur, belle journée, et puis courage pour le boulot, mais si, il en faut, il est bientôt 9h. Siendo hielo en limón tal hasta que se seque el malecón.

tout pour votre sécurité. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Notícias para ouvir-se e em desenvolvimento. Hoje, Dia Internacional da Paz. É também o dia em que acontece em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. As alterações climáticas e a situação no Afeganistão são alguns dos temas que vão ser abordados logo à tarde. E é um dos destaques, então, para acompanhar nas notícias, no noticiário das 8, aqui na sua rádio, na Antena 1. Para já vamos em frente e com as máximas para hoje: 28 graus para Lisboa, 27 para Faro, 26 para Braga e Coimbra, Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Castelo Branco, 25 graus, 24 para Vila Real, 23 para Viseu, 22 para Bragança, 20 graus para a Guarda e 16 para as Penhas Douradas. São então as máximas previstas para esta terça-feira, 21 de setembro. Obrigada por estar desse lado. Boa viagem. Antena 1. Bom dia, 8 horas no continente e na Madeira, 7 horas nos Açores. E vamos conhecer os títulos que marcam esta edição. Marcelo Rebelo de Sousa discursa hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Presidente da República vai defender o diálogo global e as prioridades de António Guterres à frente da ONU. Portugal acusa a Austrália de furar compromissos com França no negócio de compra de submarinos. Quase não há barcos esta manhã entre a margem sul e Lisboa devido à greve dos trabalhadores da Transtejo e Sofilusa. Uma terça-feira com sol no continente, já na Madeira, nuvens e aguaceiros. Aguaceiros fracos também na previsão para os Açores. Neste momento, 22 graus em Faro, 21 no Funchal, 19 em Lisboa e Ponta Delgada e 15 graus no Porto. As notícias na Antena 1, a edição é de Miguel Soares. O Presidente da República discursa esta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se alinhado com as prioridades de António Guterres à frente da organização. O Secretário-Geral das Nações Unidas já deixou uma mensagem aos líderes mundiais, avisando que é necessário mudar de caminho. Estamos à beira do precipício e a caminhar-se na direção errada. Olhem para a vacinação, sublinha António Guterres. Aguarda-se também com expectativa as palavras de Joe Biden. O Presidente norte-americano deverá fazer anúncios sobre o financiamento dos países pobres na luta contra as alterações climáticas que, a par da segurança internacional, das migrações, do Afeganistão e do combate ao terrorismo, devem ser temas centrais na sede das Nações Unidas neste Dia Mundial da Paz. Distinguido há 25 anos com o Nobel da Paz, o antigo presidente timorense Ramos Horta junta-se em direto a esta edição. Bom dia, boa tarde em Dili. Boa tarde, bom dia. Obrigado por estar em direto connosco. Quais são as expectativas que tem para esta Assembleia Geral e como avalia a prestação de António Guterres na liderança das Nações Unidas? Bom, para o